Psaume 85. Psaume des enfants de Corée, donné au maître chantre. Éternel, tu t'es apaisé envers ta terre, tu as ramené et mis en repos les prisonniers de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, et tu as couvert tous leurs péchés, c'est là. Tu as retiré toute ta colère, tu es revenu de l'ardeur de ton indignation. Ô Dieu de notre délivrance, rétablis-nous, et fais cesser la colère que tu as contre nous. Seras-tu courroucé à toujours contre nous? Feras-tu durer ta colère d'âge en âge? Ne reviendras-tu pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta miséricorde, et accorde-nous ta délivrance. J'écouterai ce que dira le Dieu fort, l'Éternel, car il parlera de paix à son peuple et à ses bien-aimés, mais que jamais il ne retourne à leur folie. Certainement sa délivrance est proche de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite en notre pays. La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont entrebaisées. La vérité germera de la terre, et la justice regardera des cieux. L'Éternel aussi donnera le bien, tellement que notre terre rendra son fruit. La justice marchera devant lui, et il la mettra partout où il passera.